Prenez Jean 23. Il y en a qui l'aiment, il y en a qui ne l'aiment pas. Il y en a qui considèrent bon Vatican II, puis toutes ces affaires-là. Mais moi, je pense que Jean 23, c'était pas un mauvais bonhomme. Au contraire. Mais il y a eu une infiltration, puis ça a tourné comme ça a tourné, mais que c'était pas de sa volonté à lui, je penserais pas. Puis lui, Jean 23, il avait dit, il va y avoir des fils des ténèbres puis des fils de la lumière. Mais là, genre, qui entre en jeu, parce qu'il y en a tout le temps eu. Ça a tout le temps été ça. C'est quoi des fils des ténèbres? Ben, c'est nos gouvernants, ceux qu'on voit pas. Dans le fond, là, entre autres, c'est des fils des ténèbres. Il y a ceux qu'on voit, ce qu'on pourrait appeler les adeptes de l'astral. Ben, il y a les fils des ténèbres. Puis eux autres, ils font des roulements de personnel, puis maintenant, ils se débarrassent de. Vous avez vu là ce qui est arrivé en chambre, à la Chambre des communes. Ils se sont tous levés pour applaudir un ancien Waffen-SS. Le background qu'eux autres ils savaient, c'est que ce gars-là, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il avait combattu les Russes. Faut vraiment être con pour pas connaître son histoire pour pas allumer, là. À moins que ce soit de la pure hypocrisie, ce que je pense que c'est. C'est de l'hostie d'hypocrisie. Puis, ils ont lancé en dessous de l'autobus, ils ont pitché en dessous du boss, comme on dit, le président de la Chambre, pour lui faire porter le chapeau. Mais il reste que ça regarde mal. Ça sent la fin de règne pour Trudeau. Donc, on est gouverné par des fous. C'est pas une blague. Mais on n'est pas gouverné par des fous tant que ça, dans le fond, parce que c'est des employés. C'est des acteurs. Puis ils sont tenus, entre autres, par leur animalité. Leur animalité. Des hosties de coquets. J'ai jamais vu autant de gouvernants qui sont clairement des cocaïnés, là. Donc, à un moment donné, il va falloir revenir à du discernement. Mais pas juste du discernement technique pratique, mais du discernement qui va dans le plus subtil. On vit à une époque où on a été conditionné à rejeter la morale comme quelque chose de mauvais. En philosophie, il y a la logique. Ça, c'est le discernement entre le bien, le vrai, puis le faux. Mais il y a aussi la morale, qui est le discernement entre ce qui est bon et ce qui est mauvais, entre le bien et le mal. Les charognes pourries de philosophes des Lumières ont essayé de rentrer dans la tête du monde que le bien, c'est ce qu'ils considéraient comme bien en tant qu'égaux, puis le mal, c'est ce qui leur faisait du mal ou qui les appauvrissait. Ça, c'est la fausse morale des philosophies des Lumières, dans le fond, dont le marquis de Sade était jusqu'à un certain point un philosophe des Lumières, digne représentant de ces maudites philosophies dégueulasses-là, que je considère comme luciférienne d'un bout à l'autre, qui lui disait ben, le bien, c'est ce qui me fait du bien, puis le mal, c'est ce qui me fait du mal. Un maudit dégénéré que je décrirais pas ses pratiques, parce que c'est pas juste un théoricien de certaines choses, c'est un praticien. C'est pas pour rien qu'il est enfermé. Hein? Donc, on est gouverné par des fous, mais par des imbéciles au niveau de la façade, puis par des fous derrière la façade. Les enfants des ténèbres, les fils des ténèbres. Les fils des ténèbres, pourquoi? Entre autres, parce que nos gouvernants, nous ne les voyons pas. C'est ceux qu'on ne voit pas qui ont le plus grand pouvoir décisionnel, dans le fond. C'est du monde qu'on ne voit pas. C'est des aristocrates formés par, dans le fond, du clientélisme et du patronage, qui est une méthode de trafic d'influence, tant qu'à moi, au fond, c'est féodal. C'est féodal. Puis ces gens-là se prennent pour des grands seigneurs. De la même façon que des vauriens au Japon, par exemple, ou les yakuza, ce qui veut dire vaurien. Vaurien, yakuza, c'était un jeu de cartes, ça voulait dire que votre jeu que vous avez en main vaut rien. C'est ça, yakuza, une mauvaise main. Ces vauriens-là, ils vivent dans une fantasmagorie comme ils se prennent des samouraïs. Il y a tout un tas de quoi de féodal. Prenez les mafieux italiens. Les mafieux italiens, les hauts dirigeants, comme dans le temps de Carlo Gambino, puis Paul Castellano, qui se prenait pour un homme d'affaires, puis toutes ces vidanges-là, ils se prennent pour des seigneurs de la Renaissance, c'est-à-dire de la pourriture, dans le fond. Puis ils ont une fantasmagorie un peu seigneuriale, féodale. Prenez les Médicis. Les Médicis, ce n'étaient pas des nobles, c'est des marchands florentins qui ont été anoblis. Vous avez Laurent le Magnifique, Laurent de Médici, qui est idolâtrés par ces mafieux italiens-là qui se prennent des seigneurs de la Renaissance. Ces gens-là sont fous. C'est des criminels. Ça fait partie de leur. Donc, c'est pas surprenant. Pour que des criminels, ils vont s'entourer de dégénérés. Puis ils s'en débarrassent quand ils servent plus à rien. Puis Trudeau, tant qu'à moi, c'est un dégénéré. Comme Macron, comme Zelensky, c'est des dégénérés. Puis quand il va avoir fait la job, ils vont le tasser pour en prendre. Prenez. Donc, c'est bien dommage, mais ça peut pas aller vers. Ça peut juste aller vers du pire. Puis le bien va venir. Le bien, c'est passif. Hein? Le mal, c'est très actif, ça agit tout de suite. C'est actif, c'est effectif, c'est immédiat. Le bien, ça prend du temps. C'est comme si on dirait, ça vient plus haut, puis ça prend du temps à se cristalliser, puis ça a une mécanique plus subtile. Mais le bien finit par s'imposer dans le sens qu'une fois qu'on va en avoir assez chié, il y a de plus en plus de monde qui va allumer. C'est pour ça qu'ils veulent diluer. Diluer. C'est sûr que si dans 25 ans, au Québec, la majorité des habitants sont plus des descendants de Canadiens français, le réveil va être bien plus difficile. Parce que des espèces de déportés, importés, c'est pire que des colonisés. C'est pire que des colonisés, là. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Mais l'affaire, c'est pas à s'en faire. Au fond, leur plan, puis leur façon d'agir, il y a une profonde ignorance de la nature humaine quelque part. Ils connaissent la nature humaine, même plus que la moyenne, mais au niveau des réflexes pulsionnels animaliens. Mais au niveau de la profondeur, c'est-à-dire, c'est des spécialistes de l'âme hein, qui nous gouvernent, mais au niveau de ce qui est plus haut, plus profond, si on pourrait appeler ce qui est du domaine de l'ordre de l'esprit, ils connaissent rien. Puis la façon qu'ils agissent, c'est pas intelligent. C'est pas intelligent, puis ça pourra pas marcher. Malheureusement, c'est que ça n'a pas le choix de créer un dommage, puis ça va être à très très long terme. Que ça va finir tranquillement par tomber, ça peut aussi tomber avec fracas d'un coup à un moment donné. Mais on n'a pas le droit de rien dire. Quelque part. Puis moi, c'est une des choses qui me choque, c'est de voir il y a tellement de monde qui le savent, qui voient, puis ils disent rien. Au moins dire quelque chose. Au moins dire quelque chose. Dire, ah, je vois, je le vois. Hein? L'œil, entre autres, c'est pas juste la métaphore l'œil, mais ça vaut que c'est un organe qui fonctionne avec des palpations de longueur d'onde. C'est un organe lié à la lumière. Puis la parole, ben c'est ondulatoire, c'est vibratoire, c'est je vois. Je vois. S'il y avait plus de monde qui s'exprimait réellement, ben c'est. Bon, tu savais ce qu'on dit, la lumière, ça fait fuir les coquerelles. D'un autre côté, ça attire les papillons de nuit. Mais il reste qu'on a vraiment affaire à des coquerelles. Avec au-dessus d'eux des papillons de nuit. Pensez-vous que Trudeau et compagnie, puis ce monde-là, ils prennent juste de la coke? Il y a toutes sortes de sous-cultures sous-jacentes que les gens ne connaissent pas. Il y a des. Possiblement, là. Parce que je dis là, je ne peux pas le démontrer, mais je le sais par instinct. C'est même pas de l'ordre de la connaissance, c'est vraiment de l'ordre du savoir. Il y a des affaires de parties initiatiques avec toutes sortes de maudites substances. Puis n'allez pas croire qu'ils n'ont pas des connaissances occultes. Ils n'ont pas de savoir. Ils n'ont pas le savoir occulte, mais ils ont des connaissances occultes parce que c'est des artisans de l'occulte, c'est-à-dire ce qui est caché. Comme Trudeau, il est juste à la lisière entre ce qui est visible et ce qui est caché. En haut, mais c'est à l'envers dans le fond, mais pour leur hiérarchie à eux, en bas c'est en haut, puis en haut c'est en bas. Il est écrit quoi que dans leur gugus qui fascine tellement certains, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ouais, mais oubliez jamais que ce qui est en haut, puis ce qui est en bas, puis ce qui est en haut sera jamais en bas, puis ce qui est en bas sera jamais en haut. Le discernement, il est là aussi. Puis c'est pas juste le discernement du vrai puis du faux, c'est aussi le discernement du bien puis du mal à un moment donné, dans le sens de ce qui est subtil, ce qui est vivant, puis ce qui est dense, puis qui se durcit, c'est-à-dire la lumière puis les ténèbres. Donc, bon, disons que c'est suffisant, là. Bonne journée.